bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Le Lobster est de retour. Et oui, fini les vacances, fini la paresse. Ça fait un certain temps que j'ai pas sorti de Lobster. Cet été, j'étais en congé environ une semaine sur deux et j'ai été au chalet quand même souvent. Donc, c'était impossible pour moi de produire des épisodes sur une base régulière. Mais bon, j'ai quand même sorti un épisode de Foxy Mox cet été. Mais bon, je vous l'accorde, ma présence était plutôt irrégulière. Mes passions artistiques m'ont occupé beaucoup cet été. Donc, j'ai dû choisir les projets où je mettais du temps. Mais le Lobster est de retour et j'ai mis de la musique de côté tout l'été en prévision de ce retour. Donc, on démarre en musique et au retour, je vous parle des formations artistiques que j'ai suivies durant mes vacances et aussi je vous parle de mon dernier achat. Oh là là, un gadget coûteux, une console Beatbox RC505 de Bose, mais ô combien amusante. J'ai déjà hâte de vous en parler et de vous faire entendre ma dernière composition, un remix d'Albator. Et oh oui, faut que je vous parle aussi de ce film d'horreur que j'ai écouté. D'habitude, j'écoute pas de films d'horreur, mais là, j'ai écouté le premier film d'horreur créé. Le premier. Un film allemand impressionniste, muet. Bref, j'ai écouté ça cette semaine parce que l'ex de Vidéotron, c'est de la merde et que je pouvais pas écouter mes enregistrements télé perdus dans le cloud d'Elix. Bon, j'en dis trop de façon désordonnée, trop de choses à parler. On commence donc, comme j'ai prévu, un peu de musique et je vous parle de façon ordonnée au retour. Bon Lobster 109.0. Evaluate what really matters. plusieurs choses à vous parler. Débutons par ceci, par les formations artistiques que j'ai suivies durant mes vacances. C'est par hasard. En fait, non, c'est Facebook qui m'a montré une publicité de ce site. Le site, c'est domestica.org, domestika.org. C'est un site où tu peux suivre des formations artistiques en ligne. Et quand on m'a proposé cette publicité, les formations y étaient en spécial à 10$ par formation. Donc, seulement 10$ pour plusieurs heures de formation, est-ce que c'était une arnaque? Eh bien, non. Au départ, je me suis abonné à un cours pour voir si ça valait la peine. C'était le cours Création et modelage de personnages en céramique. C'est une formation de Martin Ferreira, un artiste qui a fait plein de belles choses. Le cours, lui, est en espagnol, mais avec des sous-titres en français. Et j'ai adoré le cours, j'ai appris plein de trucs sur la poterie. Le cours, lui, comporte 16 leçons pour un total d'environ 3 heures de formation. Puis en suivant le cours, tu termines avec un gros bonhomme en céramique dans le style de cet artiste. Car moi, j'ai évidemment fait les exercices qui étaient proposés là, durant la formation. Bref, j'ai adoré. C'est sûr que moi, j'ai tout l'équipement de céramique à la maison. Ça a été facile pour moi de suivre le cours. Et je dois vous dire que j'ai appris des trucs que je ne connaissais pas. Donc, j'en retire quand même quelque chose. Ensuite, comme j'avais aimé ce cours, alors je me suis abonné à un deuxième cours. C'était deux cours de l'artiste Mathias Adolfsson. Lui, il a travaillé pour Disney, Pixar et d'autres grands noms comme ça. Et il a fait plein de choses. Donc, allez voir son site en ligne, c'est mathiasadolfsson.com. Tout son travail est posté là. Si vous dessinez ou cherchez de l'inspiration, je vous le dis, c'est tout simplement incroyable ce qu'il fait. Donc, le site, c'est Mathias, M-A-T-T-I-A-S, Adolfsson, A-D-O-L-F-S-S-O-N.com. Lui, dans ses cours, il nous explique les bases de dessiner tous les jours. Il nous détaille aussi ce que lui utilise comme livre, comme crayon, tout le matériel qu'il a besoin, et il nous montre à colorier nos dessins à l'aquarelle. Bref, moi j'ai été tellement motivé que ça m'a coûté 100$ de matériel chez Homère de Serre. Et depuis que j'ai suivi ces deux cours, je dessine quasiment tous les jours et j'ai repris mon projet de bande dessinée sur ma tablette à dessin. Bref, je suis motivé. Et finalement, durant un autre set de mes vacances, j'ai suivi une autre formation de ce site. Celle-là, c'est du solide. Ça dure 4 heures. C'est la formation Initiation à l'art de la mosaïque avec Gary Drustel. Encore là, c'est un artiste incroyable. Il a fait des sculptures recouvertes de mosaïques qui doivent faire 30 pieds de haut et qui sont magnifiques. Bref, dans ces formations, on peut se former avec des artistes d'un peu n'importe où sur la planète et tout ça du confort de votre maison en suivant simplement les vidéos en ligne. Bien sûr, on peut aussi interagir avec les professeurs. Il y a des forums pour ça dans chacun des cours et l'artiste nous répond habituellement assez rapidement. Moi, ce que j'ai adoré dans ces trois formations, qui suivent toutes le même modèle de cours, c'est qu'ils prennent tous le temps, un 10 à 15 minutes, pour se présenter et nous montrer leurs travaux, leur influence, et ils nous donnent plein de liens de ressources pour nous aider. Donc, on en ressort avec un bagage assez intéressant. C'est sûr que moi, je suis motivé, ça m'intéresse, donc j'apprécie tout ça. La seule chose à penser quand vous prenez ces formations, c'est le coût du matériel. Pour cette formation de céramique, le cours m'a coûté 10$, mais j'ai acheté tout le matériel pour faire une grosse mosaïque et je ne vous cacherai pas que je suis rendu à 400$ de matériel. Quelqu'un de raisonnable pourrait s'en tirer environ pour 200$, mais bon, moi j'achète toujours en pensant que je ne vais pas m'arrêter là, donc j'ai acheté des quantités pour pouvoir en refaire. Et là, pour le cours de céramique, j'ai tout écouté la formation, j'ai appris toutes les techniques et préparé mon dessin que je vais faire en mosaïque. C'est un genre de bassin d'eau avec des poissons dedans et avec leur ombre. C'est ça qu'on doit faire dans le cours, avec une technique qui, lui, il nous montre de tout coller sur du papier craft avant de l'appliquer sur la surface finale où la mosaïque va rester. Donc, c'est ça. Pour les gens un peu artistes qui suivent le Lobster, allez voir ce site, domestica.com. Les formations ne sont probablement plus en spécial à 10$. Mais il est possible d'acheter des bundles de 3 cours, je crois. Attendez, je valide. Bon, 3 formations pour 32,90. Donc, c'est encore pas mal, 10$ du cours. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les formations, comme je vous dis, sont bien faites. Il y a des étapes où tu dois montrer où tu es rendu dans ton projet. C'est un peu comme à l'école. Et les professeurs artistes, ils m'ont tous répondu quand je partageais sur le forum. Ils nous aident aussi en nous donnant des conseils sur nos dessins, de corriger telle affaire. Bref, aussi, tu vois tout le travail des autres qui suivent le cours comme toi ou qui l'ont déjà suivi. Donc, c'est motivant et inspirant. Bref, moi, ça m'a comblé. Le seul bémol, c'est que par exemple, ma formation de céramique en espagnol, eh bien, c'est traduit automatiquement par un logiciel. Et je vous dirais que la traduction doit être probablement fidèle à 95% à ce que le professeur dit, car les formations en anglais, je comprenais ce qu'il disait et je voyais des choses qui me faisaient rire. Par exemple, à un moment donné, ça disait en anglais le mot « straight ». Je pense qu'il nous disait de faire une ligne droite. Et ça a terminé en traduction de faire une ligne hétéro. Donc, c'était plutôt comique. Mais rassurez-vous, il y a très peu de cas comme ça, car si on leur écrit, ils font les corrections dans la traduction. Donc, j'ai l'impression que les formations populaires où il y a déjà des centaines ou des milliers de personnes qui sont passées, bien, tout a été corrigé. Autre point qui est le fun, dans les forums spécifiques à chacune des formations, ben chacun parle dans sa langue et le site nous présente juste des traductions. Donc j'avais l'impression que tout le monde parlait français, alors que certains étaient allemands, portugais, bref, c'était plutôt convivial. Quand tu parles pas un mot d'anglais ou d'espagnol ou peu importe, tu fais tout dans ta langue. Moi, je suis impressionné car j'essaie toujours de m'améliorer en apprenant des nouvelles techniques et là, je pense avoir trouvé un bon site de formation. Pour moi, il répond bien à mes besoins. Pour ceux que ça intéresse, il y a des cours dans différents domaines comme l'illustration. Une autre catégorie, c'est craft. Ça, c'est des cours de crochet, par exemple, ou comment créer des meubles en béton. Ensuite, marketing et business, photo, vidéo, design, 3D, animation, architecture et espace, création de sites et d'applications, calligraphie, typographie, écriture, mode. Attends, je suis curieux. Il y a des cours dans le mode de design de bijoux en résine dans cette catégorie. Initiation à la machine à coudre. Technique de maquillage professionnel. Bon. Et finalement, dernière catégorie, musique et audio. Donc, vous voyez, c'est assez large comme sujet de cours qu'il y a de disponible sur ce site. Dernier point pour conclure tout ça, eh bien, une fois qu'un cours est acheté, eh bien, vous y avez accès à vie. Vous pouvez le resuivre ou revoir des sections quand vous en avez besoin. Donc, mon cours de céramique, je vais le réécouter, moi, en faisant ma propre mosaïque. Voilà! Bon, on retourne en musique et au retour, qu'est-ce qu'il y a au retour? Eh bien, la suite du Lobster, voyons! Mais pour l'instant, on écoute une nouvelle chanson de l'album de Yes qui vient de sortir, je pense que c'est le 1er octobre, c'est l'album de Quest. On écoute la chanson « The Ice Bridge ». To the east. Bon, j'ai honte. Je me suis réabonné à la TV. Et oui, ça devait faire un peu plus d'un an que j'avais plus la TV à la maison. Et je sais pas si vous vous souvenez que j'avais ri du service Helix dans un autre Lobster. Je me demandais à quoi ça servait, que c'était de l'arnaque. Eh bien, j'ai rentré Helix dans la maison pour la TV. La honte! Non, sans blague, maintenant je comprends mieux c'est quoi Helix. C'est aussi ridicule que je vous l'avais décrit. Tu peux parler à ta manette, un peu comme Alexa ou autre gadget du style. T'appuies sur le bouton de la manette et tu dis « stop » et l'émission arrête. Tu dis « jouer » et tu te ramasses un peu n'importe où. Ça marche tout croche les commandes vocales. Mais comme j'ai le goût de rire avec mes gars, ben parfois on utilise les commandes vocales. Mais sinon, au moins on peut utiliser la manette comme une manette normale. Et l'interface Helix est quand même bien faite, ça je dois leur concéder. Mais l'équipement coûte quand même cher, je pense que c'est pas loin de 200$ pour les boîtes Helix, 200$ pour celle internet puis 200$ pour celle de la TV. Bref, tout ça pour pouvoir écouter des vieux Columbo sur la chaîne Prise 2. Et oui, depuis que la télé est de retour, j'écoute avec un de mes gars les épisodes de Columbo. J'ai validé, il y a 69 Columbo en tout, et nous, on adore Columbo. Et évidemment, eux, ils les repassent sur Prise 2. Moi, j'écoute aussi les vieux Gilligan, les Joyeux Naufragés, ou Ginny. Bref, j'écoute des vieilles affaires. Souvent, c'est en fin de soirée, quand j'ai fini de dessiner ou de travailler sur un de mes projets, je termine avec une petite émission. Mais depuis 2 semaines, ça marche tout croche. Faut savoir que l'enregistrement d'Helix se fait dans le cloud, donc c'est à quelque part, et c'est via Internet que ça se passe quand tu réécoutes tes émissions. L'avantage de ça, c'est que n'importe où, tu peux écouter tes enregistrements, donc via ton téléphone, si tu es à quelque part, tu peux les écouter. Mais le désavantage, c'est que quand le cloud ne marche pas bien, c'est de la merde. Et depuis 2 semaines, j'ai appelé 3 fois et menacé 1 fois de me désabonner. Vidéotron s'excuse. Chaque jour, ils me disent que ça va être réglé. Là, ils m'ont remboursé l'équivalent de 2 semaines de service télé. Bref, c'est so-so comme service. Et dans les forums sur le service Helix, les gens font juste se plaindre. J'ai l'impression que Helix, c'est vraiment pas stable. Donc, c'est ça. C'est ça mon nouveau de retour avec la TV. Mais comme ça marche pas toujours, ça m'amène à vous parler du film que j'ai écouté hier soir, puisqu'Helix était buggé. À la boutique Renaissance où je vais et où j'achète mes bandes dessinées pour 3,75$, eh bien, il y a un film DVD qui a accroché mon œil. Quelqu'un avait apporté une boîte de DVD pour que les revendre et mon œil a été accroché par la couverture de celui-là. On y voit une peinture d'un homme tout en noir qui a une main de posée sur l'épaule d'une femme tout en blanc qui est revirée de bord et qui a les yeux fermés. Le titre du film, Le cabinet du docteur Caligari. En regardant sur Internet avant de l'acheter, ça me disait que c'était considéré comme le premier film d'horreur à avoir été créé et que c'était bon. Bon, faut s'entendre sur le mot « bon », c'est quand même en noir et blanc, ça date de 1919, c'est muet, avec des dialogues qui sont écrits dans le film en allemand. Bon, disons que c'est pas le premier film que tu irais louer chez Première Vidéo. Mais bon, dans ma version, j'ai quand même les sous-titres en français et c'est évidemment accompagné de musique comme tous les bons films muets. Hier, comme Alex m'a lâché, je me dis « bon, allons-y avec ce film que j'ai payé 5$ ». Donc, je mets ça dans le lecteur Blu-ray de ma Xbox et paf, ça me dit que c'est pas du NTSC, ça vient d'Europe. Bon, c'est le format PAL, je crois. Donc, je mets ça dans mon lecteur DVD d'ordi qui, lui, semble lire les deux formats et ça marche. Donc, je branche mon ordi sur la télé et je me lance. Donc, l'histoire se passe en 1830 dans une fête foraine. Le docteur Caligari, il exhibe César, qui César, lui, c'est un somnambule. Un homme qui dort, selon le professeur, depuis 23 ans. C'est comme une attraction de foire et le docteur réveille le somnambule durant les représentations. Il fait coucher, ben, en tout temps, il est couché sinon dans un cercueil. Puis lui, César, quand il se réveille, il prédit l'avenir des gens. Et durant les représentations, il prédit toujours la mort d'une personne pour le lendemain. Et durant la nuit, ben, c'est lui-même, César, qui va la tuer. Mais c'est pas vraiment lui, car c'est le docteur qui le contrôle via l'hypnose qui l'envoie faire ça. Ce qui est très particulier de ce film, c'est que tous les décors sont peints sur les murs ou des toiles. C'est de l'impressionnisme, donc tout est un peu bizarre. C'est rectangulaire, triangulaire. Quand il ouvre une porte, elle est toujours tout croche, biscornue. Tout le film est joué dans un décor de toile de musée. Puis je veux pas vous vendre le punch, mais la seule scène d'horreur qui fait que ce film est le premier film d'horreur est qu'il y a un meurtre. Mais lors du meurtre, tu vois juste les deux mains de César et ensuite son ombre sur le mur lorsqu'il tue la personne. Donc, c'est de l'horreur très, très, très soft. De l'horreur de 1919. Je suis sûr qu'il y a des scènes plus effrayantes dans Passepartout. Par exemple, quand Fardoche se fâche après Passe-Corot ou Passepartout parce qu'elle a brisé son coffre à outils, eh bien, ça fait plus peur que ce film. Ben, c'est-à-dire que oui, je le sais parce que si l'enclume qui a tombé sur le coffre, c'est un accident. Ah bon? C'est l'enclume qui est tombée sur le coffre. Oui, c'est juste ça. Mais là, tu vas me dire comment est-ce qu'elle a fait cette enclume-là pour tomber sur le coffre. Malgré tout, c'était suffisant pour moi. J'aime pas trop les films d'horreur, mais lui, c'est un film d'horreur plutôt artistique. C'est la seule raison qui a fait que je l'ai acheté. Si vous voulez le voir, j'ai vu des versions sur YouTube, mais je sais pas s'il y a les sous-titres. Car, comme je vous le disais, les personnages y parlent, sauf que vu que c'est muet, ils nous présentent des panneaux écrits avec le texte, mais c'est en allemand. Donc, ça prend vraiment les sous-titres ou connaissance de la langue allemande. Sinon, on ne comprend rien au film, qui n'est pas évident à suivre. Donc, voilà pour ce film, Le cabinet du docteur Caligari. Et il y a un gros punch à la fin. Tu apprends que toute cette histoire, en fait, c'est... est-ce que je vous vends le punch? Ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lobsters qui vont se taper ce vieux film. Donc, je vous le dis, à la fin, tu apprends que toute cette histoire qui nous a été racontée est l'histoire d'un fou. Car le film, lui, commence où tu vois cette personne qui nous raconte l'histoire, ben, est assise sur un banc, puis elle raconte l'histoire à quelqu'un à côté de lui. Mais, à la fin du film, on voit que lui, c'est un fou dans une asile qui parlait avec son médecin. Et quand il marche ensuite avec le médecin, tu vois que tous les personnages qu'on a vus dans le film sont en fait d'autres fous qui sont, comme lui, enfermés à l'asile. Il les a juste utilisés dans son histoire. Et voilà! C'est pas un gros punch. Mais pour vrai, moi, j'ai vraiment aimé ce film. Il dure 70 minutes. C'est juste bien. Et ça me fait penser un peu au premier Nosferatu en noir et blanc. Le somnambule qui tue les gens, il fait peur. Et comme il y a juste environ une quinzaine de décors peints dans le film, c'est le fun de voir comment il les réutilise à différentes sauces. C'est vraiment créatif. Voilà pour ce film dont on dit que c'est le premier film d'horreur. Sinon, après ce film, je me suis retapé la pièce de théâtre « La face cachée de la lionne » de Robert Lepage. La dernière fois que je l'avais écouté, j'avais fini par vous écrire une pièce de théâtre que je vous ai jouée dans l'épisode 100. Et hier, le génie artistique qui me frappe trop souvent m'attendait encore au détour. Et durant toute la pièce que je réécoutais, je prenais des notes et j'ai pas mal inventé ma nouvelle pièce. Elle devrait cette fois raconter l'histoire d'une personne qui a été choisie pour le premier voyage sur Mars. Donc, je vais travailler là-dessus et ça devrait sortir dans un prochain Lobster. OK, on repart donc en musique et au retour, je vous parle de l'autre projet sur lequel j'ai travaillé durant mes allers-retours au Saguenay, car le trajet est quand même long et je l'utilise pour écrire à temps perdu tout en conduisant. Je vous en parle au retour! My friend, to where we'd hide as children. I'm coming. Durant mes vacances, en fait, pour être précis, lors d'un voyage de retour du Saguenay où j'ai 6 ou 7 heures pour penser et où j'ai toujours un crayon et un calepin pour noter mes idées, je me suis mis à écrire une histoire de Donjon Dragon que je vais enregistrer sous forme de podcast. Pour ceux qui connaissent le donjon de Nahulbuck, eh bien, c'est ça mon inspiration. C'est la deuxième fois que j'essaie de me lancer dans une série de ce type. J'espère y arriver cette fois. Il me faut juste un peu de temps. Sinon, voici ce que j'ai prévu durant mon retour du Saguenay. Moi, j'ai 4 personnages dans mon histoire. Il y a Conan le bavard, qui parle trop. Il y a Merlot l'enchanteur, un alcoolique un peu sur les bords, qui dit pas non à un bon petit verre de vin. Il y a Ritournelle, une barde demi-elfe. Et finalement, un nain, car c'est toujours drôle un nain. Il faut un nain chialeux dans chaque aventure, c'est un standard. Le mien se nomme Groin, fils de Groin, lui-même fils de Groin-Groin. Et il est voleur, ce qui en partant n'est pas une classe qui fit bien avec les nains. Mais le mien est mauvais et toujours malade. Puis les prémices de mon histoire, c'est de se demander ce qui arrive à ceux que les guildes ou confréries refusent. Ils font quoi ces aventuriers-là? Eh bien, je le sais maintenant, ils se regroupent et partent quand même à l'aventure. Mais vous vous doutez bien que s'ils ont été rejetés des écoles ou des différentes confréries, c'est qu'ils ne sont pas les meilleurs. Mon nain, par exemple, est à moitié sourd et ne voit rien sans ses lunettes. Merlot l'enchanteur lui manque de puissance dans ses sorts. Ritournelle chante évidemment faux, ce qui n'encourage pas trop ses collègues. Et finalement, mon Conan le bavard parle plus qu'il n'agit. Voici donc les prémices de l'histoire dont j'ai débuté l'écriture. J'ai fait des enregistrements pour faire des tests durant mes vacances. J'ai testé les voix. Tout est pas mal déterminé. J'ai testé différents logiciels aussi qui modifient la voix. Je suis en train de manquer de souffle, là. C'est parce que j'arrive de tondre la pelouse dehors entre deux enregistrements, puis ça fait une heure que je tonde la pelouse. Donc, on respire, puis on reprend. Finalement, j'ai retenu Clownfish Voice Changer, qui est gratuit, qui s'utilise facilement. Et l'autre qui est vraiment bien pour ajouter différents bruits est Voice Mod. Mais lui, il n'est pas gratuit. Oui, mais pour une gamme limitée de sons. Mais je pense qu'avec les sons gratuits, ça va faire mon affaire. En plus, c'est des fichiers .wav qui sont tous dans un répertoire. Je vais juste installer le logiciel, prendre les fichiers et désinstaller tout, vu que je fais du post-montage. Bref, je travaille donc là-dessus. Il y a un an ou deux, j'avais déjà eu ce projet qui n'avait pas abouti. Je ne sais pas si je vais y arriver cette fois. J'espère que oui. C'est toujours une question de temps, pas un problème d'imagination, car ça, j'en ai en tout temps. Et justement, pour jouer avec mon imagination, je me suis acheté une console RC500 de Bose, une Loop Station. Bon, laissez-moi la brancher pour vous montrer. Ok, la console est branchée. Bon, la console, c'est elle qui contrôle tout. Qu'est-ce que j'ai de branché? J'ai aussi mon clavier MIDI de branché. J'ai un clavier Oxygène 49 acheté chez Renaissance pour 20$. Ce clavier-là, c'est un clavier MIDI qui permet de contrôler au travers du logiciel FL Studio des centaines de fichiers de claviers. Donc, je peux faire 100 millions de bruits avec ça. Si on fait un exemple, si on prend quelque chose, par exemple ici, on a du son. On a du beat. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est pas mauvais. qu'on peut rajouter un peu de reverb. OK. Mais avant de jouer avec le clavier, si on revient avec la console et avec un peu de son normal, eh bien, on peut inviter des invités avec cette console-là. Par exemple, si on veut parler avec l'elfe Ritournelle qui va être dans mon aventure. Oui, oui, bonjour, c'est Ritournelle. Et je vous présente Groin qui veut vous adresser quelques mots. Allô? Ici, c'est Groin et je devrais participer aux prochaines aventures. Donc, vous voyez, c'est possible avec la console de changer la voix. Il y a des, pas des centaines, là, mais une vingtaine d'effets qu'on applique sur la voix. Par exemple, ceci, ça transforme la voix comme en bass guitar. Ça permet de faire des beats. Mais ça, c'est pas tout. Bon, ça, c'est juste les effets que la console permet de faire. Mais le gros avantage de ça, d'une Loop Station, c'est que tu as 5 pistes, ben, en tout cas sur la mienne, j'ai 5 pistes d'enregistrement. Je peux faire un beat et réenregistrer par-dessus, modifier sa vitesse, ajouter des effets dessus. Donc, tout ça, quand tu mets ça ensemble puis que tu transformes, ça permet de faire de la musique. Donc, si vous voulez, on fait un petit exemple ensemble. Donc, je vais faire un beat. Faut que je mette un beat au départ pour m'aider à me synchroniser. On va se mettre un métronome. OK. OK. Avec le clavier, on va ajouter des bruits qui sont un peu plus beaux. Un hi-hat. Un snare. Donc maintenant, c'est juste la console qui est en train de jouer ça. Elle a enregistré ce que j'ai joué avec le clavier et avec ma bouche. Là, on va changer de piste. OK, les trois sont enregistrés. On écoute. Qu'est-ce que ça donne? Ça pourrait être un peu plus vite, ça. On peut changer le rythme. Je crois. Qu'est-ce qu'on ajoute de plus? OK, on va aller chercher une des pistes que je travaille depuis que j'ai acheté la console. J'essaie de faire un remix de la chanson d'Albator. J'ai travaillé, je vous dirais, une vingtaine d'heures pour arriver à faire les premiers enregistrements sur les pistes et prendre à comprendre la console. Puis, voyez qu'est-ce que ça donne. On va décoller le beat. OK. On y va. C'est une session live. Je vous fais la chanson que j'ai enregistrée et que j'ai montrée à mes amis. Bonne écoute. Où est-il? Le corsaire de l'espace! Où es-tu? Albator! Albator! Où est-il? Le corsaire de l'espace! Où es-tu? Albator! Albator! Du fond de la nuit d'or, de bâbord à tribord, tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi. Le bel Atlantis est ton vaisseau, le pavillon noir est son drapeau, Bebop, Nausicaa sont avec toi. Albator, le corsaire de l'espace, même si tu parais de glace, ton cœur est bon. Ton cœur est grand pour tous les enfants. Albator, où est-il? Le corsaire de l'espace. Où es-tu? Albator, Albator, Albator. Où est-il? Le corsaire de l'espace. Où es-tu? Albator, Albator, Albator. Où est-il? Le corsaire de l'espace. Où es-tu? Albator. Adjutor était mon arrière-grand-père. Il n'avait aucun lien avec Albator. Adjutor était le père de mon père. Un homme bon. Un bonhomme. Avait-il un vaisseau de l'espace? Portait-il une longue cape noire? Avait-il un patch sur l'œil droit? Probablement. Était-il un corsaire? Oui! Un corsaire de l'espace? Non, bien sûr que non. Mais alors, il était corsaire de quoi? De l'étable intersidérale! Albator, où est-il? Le corsaire de l'espace. Où es-tu? Albator, Albator, Albator. Où est-il? Le corsaire de l'espace. Où es-tu? Albator, Albator, Albator. Où est-il? Le corsaire de l'espace. Où es-tu? Albator, Albator, Albator. Où est-il? Le corsaire de l'espace. Voilà. Je ne sais pas si vous avez aimé la petite chanson, mais c'est ça, ça fait... J'ai acheté la console samedi et on est mercredi, donc ça fait quelques jours que je travaille sur ce petit bout de chanson. Moi, ça m'amuse. Je regrette pas mon achat de cette console ARC-505. Pour ceux qui aimeraient s'en acheter une, c'est une console qui coûte en ce moment entre 650 et 750. Moi, je suis allé la chercher directement au centre-ville de Montréal chez Steve Music. J'ai payé 759, je crois. Avec ça, j'ai acheté des vrais haut-parleurs de son professionnel. C'est ce qu'on m'a conseillé pour entendre le son correctement. Malgré que, en même temps, j'ai acheté des écouteurs de qualité qui rentrent directement dans la console. Puis quand j'enregistre, je fais pas sortir le son dans les écouteurs pour pas que ça rentre dans le micro. Donc j'enregistre quasiment toujours avec mes écouteurs. Donc les vrais haut-parleurs, c'était peut-être pas nécessaire à l'achat. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé. C'était ma console RC-505 en mode improvisation. Donc, on repart en musique et au retour, la suite du Lobster. Où est-il? Le corsaire de l'espace. Où est-il? Albator. Où est-il? Le corsaire de l'espace. Terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Tout est sage dans le village, le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. L'indomptable, le redoutable, le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. Terrible jungle, le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. les années 90, c'est la guerre du Koweït, les guerres en Tchétchénie et en Yougoslavie, le génocide rwandais, les massacres au Libéria, on clade les brebis, on invente l'extasie. C'est déjà la prochaine doléance? Je sais plus. Enfin, vous pourriez me dire quand même. Je connais pas le registre par cœur, excusez-moi. Je suis désolé, j'aime bien savoir qui c'est qui vient se plaindre. Qu'est-ce que ça change? On fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y peut rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine. Or, pas besoin de registre. Hein. Non mais je vous le dis, sire, cette histoire, ça me fait du mal. Parce que moi, je suis très exigeant avec mes farines. Je fais moi-même mes tournées d'inspection chez les meuniers. Et avec tout ça, il y a des bruits qui courent. Ça serait à Kaamelott qu'on trouve le plus mauvais pain de Bretagne. Non, mais le plus mauvais pain de Bretagne, c'est manière de dire. Faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus. Tenez, moi, je suis sûr, par exemple, qu'en Irlande, bah, le pain est pire qu'ici. Ah non, non. L'Irlande, j'y étais la semaine passée. Le pain est mauvais, mais moins qu'ici quand même. Hein. Quoi? Non mais me dites pas que vous colportez la rumeur vous aussi. Bah, la rumeur, hein. Ouais, attendez, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, hein. C'est. Et d'ailleurs, le pain. Mais absolument pas. Oh, si, si. Mais c'est une honte d'entendre des trucs comme ça. Attendez, je vous signale que nous, on s'est jamais plaint. Hein, c'est vous qui venez gueuler. Et du coup, on se demande bien pourquoi, parce que c'est pas notre faute si votre pain est merdique. Hein. Regardez, il y a du froment, de l'orge, du son, des mélanges uniques au monde. Il y a même un pain à la farine de châtaigne. C'est pas compliqué, il n'y a pas mieux. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez le seigneur Caradoc? Bien sûr qu'on se connaît. C'est le seul bourgeois de la cour qui achète le pâté à la livre. Je sais pas si vous vous rendez compte, sire. À la livre. Si tout le monde faisait ça, il y aurait plus un paysan de malheureux. D'accord. Alors, nous, on l'a fait venir parce que, bon, c'est vrai que d'un point de vue chevalerie, fait d'armes, stratégie militaire, tout ça, c'est pas une flèche. Hein. Pas exactement, non? Non, voilà. On peut le dire, ça. J'ai rien dit, moi. Hein. D'accord. Par contre, pour tout ce qui touche à la bouffe, un cadavre. Ah. Ah non, mais là, je dois reconnaître un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il bouffe avec les doigts. Hein, mais... Je crains personne. Voilà, donc on l'a fait venir pour qu'il goûte votre pain. Oh, bah écoutez, tant que vous voulez, moi non plus, je crains personne. Vous pouvez taper dedans, il y a du haut de gamme. Alors j'y vais. Allez-y. Je commence par lequel? Le plus que vous voulez. Hein. Bah, le plus classique, mettons. Hein. Le mélange blé sec, celui que je fournis le plus. Alors? C'est de la merde. Quoi? Sire! Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Mais y'a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Moi, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une tige dans sa tête. Enfin, seigneur Caradoc, avec tout le pâté que vous m'achetez, me dites pas que vous le mangez sans pain quand même! Bah non, vous me prenez pour un con. Mais comment vous faites alors? Je fais venir d'Aquitaine par bateau dans des containers spéciaux pour pas qu'il sèche. Du pain d'Aquitaine, sire! Faites quelque chose, il va y avoir un massacre, hein! Ah, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout. Goûtez-le, sire, vous qui êtes impartial. Oh non, attendez, moi celui-là, je le connais. Hein. Goûtez-le! Hein, puis vous me direz si c'est pas une honte d'entendre des choses pareilles. Oh, on n'a rien à faire. Hein. Non, déjà, avec le pâté, c'est pas magique, mais seul, hein, j'ai l'impression de bouffer mes chaussures. Hein. C'est un complot! Ah non, écoutez, on est ici pour essayer d'avancer. Non, le Caradoc, expliquez-lui. Ce pain-là, il est cuit trop vite dans un four trop chaud. La montée a pas le temps de se faire et il y a trop d'air dans la mie. Donc? C'est de la merde. « Bon, allez, Guetno, sans rancune. Vous êtes honnête, monsieur Caradoc, j'ai rien à dire à ça. Allez, je suis sûr que dans un an, vous faites le meilleur pain du pays. Merci. Tenez, c'est la recette à la farine de châtaigne. Prenez le temps de le goûter chez vous, vous me direz. Ah, mais je le connais déjà, celui-là. Et alors? C'est de la merde. Et voilà, c'est déjà le temps de se dire au revoir. On arrive à la fin de ce Lobster 109.0. Et cette semaine, on termine avec un bout de spectacle, du spectacle de Pierre Légaré. C'est le spectacle Rien. Pierre Légaré est décédé cette semaine. C'est un humoriste québécois que j'aimais bien. Donc, on termine avec un petit bout de son spectacle, si vous aimez bien. Vous pourrez aller écouter le spectacle en entier sur YouTube. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se reparle bientôt dans un prochain Lobster. Bonne semaine! On est rendu avec des cache-prises de courant. Là, c'est essentiel, une cache-prise de courant. Tout à coup que l'enfant est assis à 18 pouces de la prise et qu'il éternue. Et que là, au moment où il y a un jet de salive qui rentre dans un des trous de la prise, il y a un jet de morve qui rentre dans l'autre trou. Tu sais que si à ce moment-là, cet enfant-là est assis dans une couche pleine de pisse, il vient de faire contact. On est rendu avec des clignotants sur nos autobus scolaires qui rendent nos enfants épais. Pendant 6 ans d'élémentaire, 5 ans de secondaire, pendant 11 ans, on a des clignotants sur nos autobus scolaires qui disent à nos jeunes que le trafic, ça n'existe plus. Les avez-vous vus descendre d'un autobus scolaire? Descendre en se tiraillant, pitch le sac, arrache le jacket de l'autre, s'assit en plein milieu de la rue pour attacher son lacet. Ramasse son sac, le pitch l'autre bord. Hey, la journée qu'il va descendre d'un autobus où il n'a pas de clignotant, va-t-il avoir une maudite surprise? Hein? Les clignotants vont pas sur l'autobus, ils vont dans sa tête. Ils vont les avoir partout ce qui va sans terre après. On est rendu avec des briquets qui allument plus. Un briquet qui allume plus, c'est plus dangereux qu'un briquet qui allume. Parce qu'un briquet qui allume plus, il ne fait pas juste rendre les enfants épais, ça rend le parent épais. Oui, ça dit aux parents, non, t'as plus besoin de faire comprendre à ton jeune que le feu c'est dangereux. Ben non. Juste acheter ces briquets-là. Oh, laisse-les traîner partout dans la maison. Je te jure, t'es pas capable de les allumer toi-même deux fois la même journée. Ça a pris 200 000 ans à l'humanité découvrir le feu. Dans 3 ans, il n'y a pas un verre de ticoune qui va savoir que ça brûle. Non, mais c'est quoi cette manie-là, là? De pain bout de temps, là? Tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on vend, on a le droit de le produire à condition que ça a été conçu pour le plus gnochon, le plus nono, le plus lent, le plus peureux, le plus politically correct, le plus stock-up, le plus épais. C'est quoi cette manie-là? Le troupeau va toujours à la vitesse du plus lent. Il y a toujours la vision du plus aveugle, l'intelligence du plus épais et la vision du plus aveugle et le courage du plus peureux tout le temps. Pourquoi? Pourquoi que TQS a retiré l'émission du reçoit? Parce que tout le troupeau a décidé de regarder Dieu reçoit avec les yeux des plus ultra-religieux qui avaient décidé dans leur tête que même si le bon Dieu les avait dans le sens de l'humour, lui, il ne pouvait pas l'avoir. Et tout ce monde-là va oublier que des mains ont une télécommande pour voir ce qu'il y a ailleurs s'ils ne sont pas contents de ce qu'ils voient. Pourquoi qu'on a retiré du marché les vidéocassettes du monologue Nigger Black d'Yvon Deschamps dont les profits devaient servir à nourrir les petits-enfants qui partent pour l'école le ventre vide le matin parce que tout le troupeau a décidé de regarder Nigger Black avec les yeux du seul anglophone ignorant de tout ouest de l'île de Montréal.